وحده ما تعجبني يا غير هي. On a de la fraîche, chantez pas Belhani. J'fais le tour du Maghreb, en Paname et Era. Veux-tu être mahlel, l'année de Ricabi? L'essentiel, c'est de tourner à la vie. Wadem et Tajibin.